Le premier ministre coréen Park Bong-joo a envoyé le 29 courant un message de félicitations à Basil Ja, nommé premier ministre de la République de Guinée-Bissau. Le dessinateur s'est exprimé convaincu du développement continu des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays ayant une longue histoire et a souhaité grand succès dans son travail pour la stabilité et le développement du pays.